Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue sur French Pod. Nous avons une nouvelle leçon intermédiaire pour vous aujourd'hui. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erika. Salut Erika. Bonjour. Hi everybody. Ça va bien? Yes, I'm doing great because we're going to finally get to the second part of this intermediate lesson about the uninvited guest. C'est bien vrai. Aujourd'hui, la suite des aventures de Pierre. Yeah, last time we had a little story about Pierre. He was the uninvited guest. Oui, il n'était pas le bienvenu. On l'a vu avec les filles. Yeah, he wasn't very smooth with the ladies. Non, ça n'a pas très bien marché. Yeah, and at the end, we kind of had a little cliffhanger what he was going to actually do with this party. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Ah, on a passé une bonne soirée. C'est vrai, c'était presque parfait. Presque ? Tu as failli gâcher la fête, Pierre. Ah bon ? Oui, tu as quand même renversé ton verre de vin sur ma belle-sœur. Ah, c'était ta belle-sœur. Rebecca est à l'hôpital après avoir dansé un slow avec toi. J'ai appelé l'hôpital, un seul pied est cassé. Bon, ben Pierre, je crois que tout le monde est parti. Je t'accompagne jusqu'à l'ascenseur, hein? Merci encore. À la prochaine. On s'appelle. Ouais, ouais. Seems like Pierre caused quite a lot of damage. Et oui, il a posé quelques problèmes pendant la soirée. True. But according to him, I don't think he noticed. Il a dit, on a passé une bonne soirée. Right. I want to ask you about this. On a passé. Alors, on utilise on a passé avec une durée, un moment ensuite. And it's afterwards, after something happens. Voilà. Okay. Par exemple, on a passé un bon moment ensemble. Yeah, that's a nice thing to say to a friend after you spend the day with them or something. Voilà. We had a great time together. Mm-hmm. Pierre thinks on a passé une bonne soirée. Ouais. Et c'est pas la vie de tout le monde. Right. They said c'est vrai. Ouais, mais là, c'est ironique encore. C'est vrai. And then so was the next part sarcasm too. C'était presque parfait. Yeah, almost, but not quite. Mm-hmm. So now they accuse Pierre of something that's pretty serious accusation. Tu as failli gâcher la fête. There's a couple things here now. We have this first word. Failli. Failli. Mm-hmm. I don't like this word. Moi, j'aime bien. Okay, yeah, because it's easy for you. It's hard to just even pronounce. Failli. Non, mais tu le dis bien. Okay, good. Now, it kind of is like we would say to almost do something. Mm-hmm. It's followed by a verb. But in English, almost is an adverb. Ouais. And the difference is in French, it acts like a verb, so that's why it throws us off a little bit. C'est vrai. So give us some examples. Alors, j'ai failli rater le bus. But that means you didn't miss the bus, you almost did. C'est ça, à 5 secondes. And now that's really close. But here, what did Pierre almost do? Il a failli gâcher la fête. Okay, and this word gâcher, he almost ruined the party. And it was so sympa, la soirée. Avant. But you know, it's gâché. So here they say fête, right? Ouais. La fête. Mm-hmm. Is there a difference between une fête and une soirée when you're talking about a party? Mais non. Quand on parle à propos d'une fête, on peut dire soirée ou fête. And it's the same. It's not a different kind of event. Non. It just means a party. Ouais. All right, so what are some of the stuff that he did? Il a quand même renversé un verre de vin. First, renverser. Ouais. That means to knock over, normally. Here, though, it means to spill, right? A liquid. Voilà. Renverser sa boisson. What does the quand même signify here? Why do they add this quand même? To quand même renverser. Alors, le quand même, il est là pour renforcer le verbe. Pour insister sur le fait qu'il a renversé sa boisson. In English, it's kind of the equivalent of using the word did. Like, well, you did spill your wine. Exactement. Tu as quand même renversé. Voilà, ça insiste. Pierre, tu as quand même renversé. Yeah. Like, how could you not realize que tu as failli gâcher la fête? Exactement. I mean, quand même. C'est là tout le sens. Ok, mais Erika, pourquoi tu ne m'as pas ramené une boisson aujourd'hui? You didn't tell me. Erika, je te l'ai quand même dit 3 fois. But you didn't really, by the way, just so you know. Okay. But he quand même renversé his wine. Now, when you want to say spill something on someone. Donc on utilise le sur pour la préposition. Mm-hmm. Et dans ce cas-ci, mm-hmm. il renverse le vin sur la belle-sœur. What's a belle-sœur? La belle-sœur, c'est la femme qui est mariée mm-hmm. avec le frère de la fille qui parle. Okay, now that sounds really complicated. How about we just make it simple? The belle stands for in-law. Sister-in-law, right? Belle-sœur, mais il y a aussi belle-mère. Now, what if you wanted to say father-in-law? Beau-père. Okay. Okay, so, you know, that could be an accident, right? I mean, I've done it before. J'ai renversé some drinks sur people accidentally. It happens, but it's not it, huh? That's not all Pierre did tonight. Peut-être que c'est pas sa faute, mais là, en plus, il a dansé un slow avec Rebecca. Okay, now let's just stop right there, because this is pretty funny. He danced a slow. Eh oui, un slow. Pourtant, un slow, c'est... Ça dit ce que c'est pas rapide, hein? Right, yeah. So, un slow, like, is a noun in French to mean slow dance. Ben oui. Interesting. Hey, Amri, tu aimes danser en slow? Ça dépend avec qui, Erika. Parfois, ouais. Rebecca, here, she's à l'hôpital après avoir dansé en slow avec lui. Pauvre Rebecca, ouais. Right. So, après avoir dansé. After having danced. So, let's do that a little bit. Give us some other with this après avoir. Alors, après avoir chanté toute la nuit, je n'avais plus de voix. Okay, well, that's a good one. But you shouldn't do that very much because we need your voice here, right? Okay, ça va. Alors, un autre exemple, on pourrait dire, après avoir vu ce film, je ne voulais plus nager dans l'océan. Me neither. Jaws ruined me forever. Comment tu sais que je parlais de Jaws? Because it must be. Just when you thought it was safe to go back in the water. Okay, so but here, après avoir dansé en slow avec Pierre... What happened to Rebecca? Elle est à l'hôpital. Yeah. But it's okay because they called up the hospital. And et voilà, pour Pierre, pas de problème. Okay, why? Un seul pied est cassé. Yeah, just one. Mm-hmm. Not both. Could be worse for sure. So let's look at this too. Un seul pied. It literally means an only foot. C'est vrai, ouais. It's kind of funny, huh? But in English, it means just one foot. C'est ça la traduction. Yeah. Alors, par exemple... Un seul sucre dans mon café. I take maybe 4 or 5, not just un seul sucre. Oh là. I like my coffee sweet. Et alors aussi, donnez-moi une seule raison. Yeah, give me one reason. Pour? I don't know. Pour mettre 5 sucres dans mon café. I can give you une seule raison. It tastes better. D'accord. Right. There's just one more thing I want to look at here. She wants him to leave and she's like... Yeah, elle a compris que la meilleure façon, c'était de l'accompagner à l'ascenseur. Yeah, in order to make sure he really leaves. Voilà. She's gonna escort him to the elevator. Exactly. Okay, so accompagner, that means to go with. Right. But the word jusqu'à... Because, okay, the literal translation here is I will go with you until the elevator. Pourquoi jusqu'à? C'est parce qu'elle ne va pas dans l'ascenseur. Right, so if you have accompagné jusque, it really means to escort someone to, but then you're going to stop there. Oui. So for example, could I say je t'accompagne à la fête? Can you say that? Oui, mais ça veut dire que tu vas aller à la fête aussi. Right, so I'm going to go into the party. Oui. But if I say je t'accompagne jusqu'à la fête... Ça veut dire que tu vas aller, mais après tu ne vas pas rentrer dans la fête. Yeah, then I'm gonna stop à la porte. Voilà. And turn around and go back home. Ouais. Okay. And then also, on s'appelle. That one's funny. We'll call each other. Ouais, on s'appelle. Ouais. Okay. Voilà, donc la fin de la soirée pour Pierre. Alors maintenant, on écoute à nouveau le dialogue. Ah, on a passé une bonne soirée. C'est vrai, c'était presque parfait. Presque? Tu as failli gâcher la fête, Pierre. Ah bon? Oui, tu as quand même renversé ton verre de vin sur ma belle-sœur. Ah, c'était ta belle-sœur. Rebecca est à l'hôpital après avoir dansé un slow avec toi. J'ai appelé l'hôpital, un seul pied est cassé. Bon, ben Pierre, je crois que tout le monde est parti. Je t'accompagne jusqu'à l'ascenseur, hein? Merci encore! À la prochaine. On s'appelle. Ouais, ouais. All right, well, I hope that everybody recovers from Pierre's presence at the party, the uninvited guest at la soirée, la fête, right? Yeah, ouais, Pierre a passé une bonne soirée, mais bon. Yeah, nobody else did. Voilà, pas tout le monde. Okay, so let's just review a little bit. What are some of the things that he did? Alors, il a renversé du vin sur la belle-sœur. Of who? De la personne qui invitait. Right, okay. That's pretty bad. Il a envoyé Rebecca à l'hôpital après avoir dansé avec elle. How many feet were broken? Un seul pied. Okay. What was the result of all this? Il a failli gâcher la fête. And another thing that happened is he didn't really want to leave. He was still sticking around, right? She had to be like, okay, come on, je crois que tout le monde est parti. Vous passez une bonne fête. Et voilà, celle qui l'invitait s'est sentie obligée de l'accompagner jusqu'à l'ascenseur. Yeah, just to finally get rid of him. Pour s'en débarrasser. Right, yeah, and he's like, okay, let's kill each other. On s'appelle. So, Amri, I think that on a passé une bonne leçon. What do you think? Ouais, c'est vrai. Et on a passé un très bon moment avec vous, le public, avec toi, Erika. Donc voilà, si vous voulez continuer avec nous, nous vous invitons à nous rejoindre sur frenchpod.com. Yeah, come check it out. And if you have any questions about this lesson, you can come ask us there. Ouais, et pratiquez avec nous parce que c'est le plus important. Il faut essayer de pratiquer. That's right. Sur ce, on s'appelle, Erika. Okay. Salut. Au revoir.